L'actualité à Nancy et ailleurs. Du 8 novembre au 7 décembre 2024 aura lieu l'exposition Portrait de scène, sous-titrée « Vous, de qui la joie m'est venue », qui offrira donc l'occasion au public de découvrir les œuvres de Laurent Nambrini. L'exposition aura lieu à la bibliothèque médiathèque Gérard Thirion à L'Axou. Laurent Nambrini, bonjour et merci d'avoir accepté cette entrevue. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, j'aimerais vous demander si vous pouviez vous présenter rapidement. Eh bien donc, je m'appelle Laurent Nambrini, je suis basé dans la Meuse, à Bar-le-Duc. J'ai toujours été passionné par la photographie. Pour l'anecdote, j'ai acheté mon premier appareil, j'avais 17 ans, et j'avais travaillé 2 mois dans l'usine locale pour pouvoir me le payer. C'était un Minolta SRT 303. Pour les anciens, ça peut dire un peu quelque chose. Vous avez un souvenir vraiment de ce déclic de la passion pour la photo ? Alors si on remonte vraiment dans le temps, le déclic pour la photo, c'est grâce à la sœur de ma mère, ma tante, qui dans les années 50, c'était pas très courant, surtout pour une femme seule, voyageait beaucoup. Et de ses voyages, elle ramenait des photos. Elle avait un appareil photographique au format 6-6, qui est un format qui a complètement disparu aujourd'hui, mais qui revient avec Instagram, puisque c'était un format carré. Et c'est en voyant ces photos de vacances que j'ai eu envie de faire de la photo. Et elle m'a d'ailleurs prêté, avant que j'achète mon premier appareil, son appareil photo 6-6, qui était un Semflex, qui était un vieil appareil qui était rigolo, parce qu'on regardait par-dessus pour voir les photos. Votre maîtrise de la photographie, vous avez fait des études dans le domaine ou c'est quelque chose que vous avez perfectionné en autodidacte ? Non, je suis complètement autodidacte et je me suis amélioré parce que bon, j'ai fait aussi des stages, j'ai rencontré des photographes, j'ai visité des expositions, j'ai fait la Biennale de Venise, j'ai fait Arles, Mais comme tout bon autodidacte, j'ai essayé de retirer le meilleur de toutes ces rencontres que j'ai faites. Et puis d'année en année, l'expérience s'amoncelle. Et puis on commence à avoir envie de montrer ce qu'on fait, d'oser le montrer aussi. Et voilà comment on débouche sur une expo comme celle qui va avoir lieu à la médiathèque de L'Axou. Voilà. Qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans l'art de la photographie ? J'ai toujours été passionné par l'image en général, mais vraiment, ce qui m'attire dans la photographie, c'est vraiment la possibilité de saisir et d'immortaliser l'instant. J'en reviens souvent à presque la définition étymologique de la photographie. Photographie, c'est écrire avec la lumière. Donc pour moi, c'est un principe de base de la photographie. L'autre principe qui m'anime en permanence, c'est au bon endroit, au bon moment. Généralement, quand on a ces deux idées-là en tête, on a toutes les chances de pouvoir faire des bonnes photos. L'exposition s'appelle Portrait en scène, mais est-ce que aussi vous photographiez les paysages, des scènes du quotidien ? Alors, je photographie aussi des paysages et des scènes du quotidien, mais j'ai quand même une forte propension à travailler avec les acteurs du spectacle vivant. Je veux dire, j'ai moi-même pratiqué le théâtre à une époque, ce qui me permet d'établir un lien avec les personnages que je photographie, et ça m'a permis d'allier mes deux passions, le théâtre et la photographie. C'est amusant que vous employiez le terme de personnage. Une fois donc que vous photographiez vos modèles, vraiment, vous inventez une histoire au sujet que vous photographiez ? Alors, j'invente une histoire, oui. Et puis, comme j'ai moi-même fait beaucoup de théâtre, il y a Brecht qui nous a appris à faire la différenciation entre la personne et le personnage. C'est-à-dire, les gens que je photographie et qui sont sur mes clichés, ce sont des personnages. Des fois, la personne est très différente du personnage que je photographie. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la distanciation brechtienne, c'est la différence entre la personne et le personnage. Et moi, ce que je présente, ce sont des personnages. Ce n'est pas des portraits d'acteurs, c'est vraiment des personnages en jeu. Ce qui vous intéresse particulièrement dans la photographie, c'est également la relation que vous avez au sujet que vous photographiez. Vous la qualifieriez comment, cette relation ? toute façon, moi, je suis globalement toujours dans le rapport humain, dans l'humain. Et cette relation, pour moi, elle est primordiale. J'ai besoin d'aimer les gens que je photographie. Donc, je dirais presque que la relation, elle est presque amoureuse. Parmi les gens que vous verrez sur les photos à la médiathèque, il y en a plus de la moitié qui, au fil de nos rencontres, sont devenus des amis. Et je les retrouve avec plaisir. Et puis, ils me contactent quand ils sont dans le coin, quand ils ont une sortie de résidence, quand ils ont un spectacle. Voilà, donc on a vraiment créé un réseau, des liens d'amitié. Et moi, j'ai vraiment besoin de ça. La technique, c'est bien, mais l'humain, c'est mieux. Donc c'est à la fois une exposition pour faire découvrir votre travail, mais voilà. Aussi pour faire découvrir des relations. Ah, bien sûr. Bien sûr, pour faire découvrir les relations et surtout pour faire découvrir aux autres et partager avec les autres toute la joie que ces personnages de fiction m'ont procuré. Il y a l'humain et il y a aussi beaucoup le partage. Si j'ai envie de faire des photos, c'est pas pour les garder dans un coin de mon ordinateur, c'est pour que les gens les voient, c'est pour les montrer. Sur ma page Facebook, je publie presque tous les jours une ou deux photos pour maintenir un lien avec mes followers et puis pour animer mes pages, voilà. Est-ce que vous aimeriez partager peut-être quelle serait votre photo préférée dans cette exposition et l'histoire qu'il y a derrière ? Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment une photo préférée, mais j'attache beaucoup d'importance à la puissance du regard. Et donc, vous verrez dans l'expo, j'essaye de capter ces regards, ces moments où il y a quelque chose qui passe entre l'acteur et le spectateur. Et la photo me permet de mettre l'accent sur ces petits moments magiques, là où il y a une connexion qui s'établit entre l'acteur et le spectateur. Au cours de votre carrière, est-ce que vous avez un ou plusieurs souvenirs qui vous ont particulièrement marqué ? Je cherche plutôt ce qui m'attire dans mon rapport au spectacle vivant. Dans l'état des choses actuelles, on a tellement de raisons de se faire du souci, il y a tellement de problèmes qui nous assaillent de partout, que le rapport à ces gens qui sont en face de nous, qui s'expriment avec leur cœur, qui s'expriment avec leurs mots, qui s'expriment avec leur corps, il y a quelque chose de vrai qui me touche profondément. D'où le sous-titre de l'exposition qui s'appelle « Vous de qui la joie m'est venue ». C'est vraiment pour moi les plus forts moments de joie, de gaieté, d'espoir de ma vie actuelle, c'est ces moments de rencontre avec le monde du spectacle vivant. Laurent, est-ce que vous menez d'autres activités en parallèle de cette exposition en lien avec le monde de la photographie ? Eh bien oui, je suis un fidèle du monde associatif et j'anime des ateliers photo avec deux autres personnes au sein d'une association parisienne qui s'appelle Expression et qui a différents champs d'activité, donc un champ d'activité autour de la photo, un champ d'activité autour de la vidéo, un champ d'activité aussi autour du théâtre, puisqu'elle fait régulièrement des créations théâtrales, et un secteur art contemporain. On vient juste de terminer une expo Jacques Delousstal, qui a eu un retentissement national, et où on a accueilli plus de 5000 visiteurs pour une expo à Bar-le-Duc, c'est pas mal. Eh bien, merci pour cette interview, Laurent Nambrini. Eh bien, merci beaucoup. Donc, j'espère que vous viendrez aussi nombreux, tout au long de l'exposition, découvrir vous de qui la joie m'est venue. Et vous découvrirez peut-être, par la même occasion, Guillaume de Capestany, qui est l'auteur de cette phrase un peu mystérieuse. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite aux horaires de la médiathèque. Encore merci pour cet échange, Laurent Nambrini. Donc, on le rappelle, l'exposition Portrait de scène « Vous de qui la joie m'est venue » sera donc accessible du 8 novembre au 7 décembre à la bibliothèque médiathèque Gérard Thirion, 17 rue de Maréville, à Laxou. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.